En Corée du Sud, selon la radio CBS, le comité d'enquête spéciale de la catastrophe du paquebot Sewol a dévoilé à travers le premier rapport sur la vérité publié le 27 juin que le paquebot Sewol a alors pris en charge 410 tonnes de l'armature de fer dont 278 tonnes étaient destinées à la construction de la base navale de Jeju. Le rapport a également éclairci que le bateau avait la cargaison de 2215 tonnes lors de son départ, ce qui montre que 1200 tonnes ont été surchargées plus que le tonnage maximum.